Mesdames et messieurs, bonjour! Flash Info! La nuit dernière, trois militaires français, le lieutenant J. Pims, l'ingénieur A. Sango et le soldat Regan, se sont emparés du croiseur N78 Intrépide. Pris sur le fait, ils n'ont pas hésité à tuer les soldats qui les pourchassaient. Attention, quelle que soit votre planète, ils sont considérés comme très dangereux. Comment ça, vous n'avez pas pris vos armes? Mon lieutenant, c'est pas vous qui nous aviez dit de s'équiper léger? Ouais, mais en attendant, vous, Sango, vous vous trimballez des CD d'installation Windows et l'autre con des bouteilles de rhum. Alors que vous auriez au moins pu prendre vos pistolets à plasma. Eh, mais ils ont été utiles, mes CD d'installation. Et mes bouteilles aussi. Si ça peut vous dépanner, j'ai toujours un trombone sur moi. Mais bordel, qui m'a fourgué une équipe pareille? Vous-même, mon lieutenant. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Et d'ailleurs, je crois que ça devrait plutôt être à nous de vous en vouloir. C'est à cause de vous qu'on se retrouve en direction d'un trou noir, avec pour seule compagnie un vieillard qui a dormi 5 ans dans un vaisseau pourri! Pas de ma faute si les couchettes sont confortables! Peut-être, mais si on réussit, on sera riches! Et surtout, nous aurons la fierté et l'honneur d'avoir sauvé une planète. Mon grand-père disait toujours que l'honneur paye bien. Bon, et qu'est-ce qu'on va en faire du vioc? Un jour, à la télé, j'ai vu qu'il fallait toujours éliminer les témoins! Je vous demande pardon? Ah, on a déjà volé un vaisseau et tué 2-3 soldats. Faudrait quand même pas rallonger la note. Et puis de toute façon, officiellement, il est déjà mort. Si je peux donner mon avis sur la question, je pense pouvoir être utile dans votre quête. Ah oui, et comment? Grâce à mes connaissances hors du commun. Ça se défend. C'est vrai qu'il pourrait toujours confirmer ou pas les théories de Regan. Comme pour cette histoire de trou noir, par exemple. Mais dans ce cas, on n'a plus besoin de Regan. Mais moi aussi, je peux me trouver une utilité, hein. J'ai bien curieux de voir ça. La place de bouclier humain, ça tient toujours? Finalement, je suis d'avis qu'on ne le tue pas tout de suite. Ouais, moi aussi. Et puis mine de rien, le vieux il a peut-être des connaissances, mais ça fait 5 ans qu'il n'a pas fait de mise à jour. Donc Regan pourrait toujours combler les trous. Mais du coup, le professeur ne pourrait pas confirmer. Effectivement. On n'est pas dans la merde. Veuillez m'excuser, mais ce petit bouton rouge qui clignote, c'est quoi? Putain, un champ d'astéroïdes! Sango, désactivez le pilotage automatique! Tout de suite! Tout le monde s'attache! Je passe en manuel! Selon mon savoir, nous avons 1,14% de chances de nous en sortir vivants! Je vais pas mourir! Merde, on est touché! Et on a perdu les boucliers! Nos chances de survie viennent de passer à 0,27%! Vous remballez votre science 2 minutes! Lieutenant, attention, un iceberg droit devant! Oh, Jack, ne me quitte pas! Un capitaine veut toujours sombrer avec son navire! Les cœurs de l'océan restera jamais enfoui dans les interstices de l'Atlantique! Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'on raconte là? Le mal de l'espace combiné à la folie dépressive peut avoir parfois des effets quelque peu étranges. En attendant, on a toujours ce foutu d'astéroïde géant droit devant nous! Sur Terre, au quartier général des armées. Bien, messieurs. J'ai devant moi les dossiers de nos trois personnages. Le lieutenant John Alexandre Pims, ancien de la guerre des Strigas, 3 fois médaillé des plus hautes insignes et détenteur d'une orbe d'énergie solaire. Il est secondé par l'ingénieur en chef Arthur Sango, sorti de l'université d'Harvard à 14 ans avec mention très bien. Ce petit génie avait créé le premier système de téléporteur interplanétaire. Puis nous avons le soldat Regan, dont le dossier a mystérieusement disparu. Mais à ma connaissance, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter de lui. Cependant, ces 3 hommes ont réussi à pénétrer dans un de nos bâtiments hautement protégés, voler un croiseur et ont tué 3 de nos plus valeureux soldats. Je veux et j'exige qu'on me les ramène sur le champ. Général, jamais je ne laisserai passer pareil à fond. Je me porte volontaire pour cette mission. Colonel Arfang, je n'en attendais pas moins de vous. Vous êtes affecté. Avez-vous quelques indices quant à leur destination? Eh bien, j'ai pu localiser 2 de leurs coordonnées lorsqu'ils étaient dans l'espace. J'ai donc calculé 3 endroits où ils pourraient se cacher. Tout d'abord, ils foncent droit vers Saturne, ce qui fait de cette planète notre priorité. Aussi, il existe sur une des lunes de Saturne un téléporteur vers la galaxie des Strigas. Ce qui nous amène à ma 2e hypothèse. Pims, Sango et Regan se sont alliés à nos ennemis. Et pour finir, comme vous le savez, le trou noir de Krila s'agrandit de jour en jour. Cela me paraît peu probable, mais il est toujours possible qu'il s'agisse de leur destination. Voyons, ce serait du suicide. Un trou noir. Voilà une idée. S'ils voulaient mourir, il suffisait de demander. Croyez-moi, colonel Splunk. Certains scientifiques ont des théories plutôt intrigantes sur les trous noirs. Des théories insensées et infondées. Quoi qu'il en soit, Fang, prenez tous les vaisseaux que vous voulez. Mobilisez autant d'hommes dont vous pensez avoir besoin. S'ils se sont ralliés à l'ennemi, il faut à tout prix les ramener. Et vivant, Arfang, s'il vous plaît. Entendu, mon général. Je ferai un effort pour ne pas trop les charcuter. En tout cas, ça vous irait bien comme reconversion à votre retraite militaire. Quoi donc? Charcutier. Oh non, traiter de la viande déjà morte, ça ne m'intéresse pas. Ha ha ha! bon sang. On est encore vivant? Sur les 0,01% de chances de survie au moment de la collision, cela relève du miracle. Lieutenant, réveillez-vous, mon lieutenant. Pâté de canard. Vous n'avez rien de cassé? Non, je crois que ça va. En relevant le vaisseau face à l'astéroïde, la force d'attraction de celui-ci nous a permis d'atterrir. Vous appelez ça atterrir? Le vaisseau est dégommé de partout. Mais nous sommes vivants. Oh, mon vaisseau, mon bel intrépide, qu'ai-je fait? Une manœuvre qui nous a inconsciemment sauvé la vie. Oui, ça va, on est tous vivants, on a compris. Tous? Où est Regan? Merde, c'est vrai, il est passé où ce con? Si ça se trouve, il a pris son rôle à cœur et s'est placé au guise de pare-choc à l'avant du vaisseau. 2 secondes avant l'impact? Non, ouais, c'est pas crédible. Mais il est où alors? En tout cas, il a défait sa ceinture, elle ne s'est pas arrachée. Il a laissé sa bouteille de rhum ici. Il n'aime pas ça. Lieutenant, regardez dehors. Oh putain, le con! Il a mis son scaphandre et visite l'astéroïde. Un véritable petit scientifique entamant sa curiosité. Je crois plutôt qu'il est bourré, à moins que vous visitiez vos astéroïdes en dansant la lambada. Au moins, il a pensé à mettre son scaphandre. Il nous fait coucou. Je pense qu'on devrait le rejoindre avant qu'il fasse une connerie. On peut toujours le laisser ici et repartir. Vu l'état du vaisseau, je doute qu'on puisse repartir de sitôt. Ça va prendre du temps à réparer tout ça. Ah, pas le temps pour les conneries de Regan. Allons le chercher tout de suite. Tenez, votre scaphandre. Merci. Le mien, on en a pas pour vous, donc allez faire un tour pour voir si vous pouvez pas réparer d'autres trucs. J'ai comme une étrange impression. Lieutenant Pimps, Sango, venez voir, c'est trop beau. Regarde, viens ici tout de suite. Mais venez, vous allez voir. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il a trouvé cet abruti? Attention à la pesanteur. Dieu! Comment est-ce possible? Vous avez vu? Il y a des arbres, de l'herbe, et ça pose dans l'espace! Et j'ai même pas eu besoin de poire pour voir ça! C'est scientifiquement impossible! Jarvis, dis-moi si la constitution de cet astéroïde et son atmosphère permettent la pousse de plantes, et qui plus est, la vie? Non, monsieur, il n'y a aucun élément sur cet astéroïde permettant une telle chose. Ce qui signifie que... Tout ça était déjà là avant! Ce qui veut dire... Qu'une planète a explosé! C'est pas beau, ça! Non, en effet. Nous devons absolument avertir le professeur Mike Bidouille au plus vite. Mais fais vite, dis donc. Croyez-nous, c'est difficile de parcourir un astéroïde en une transition. Professeur, l'astéroïde, c'est... C'est le morceau d'une planète. Ah bon, laquelle? Ah mince, j'ai oublié de demander à l'arbre, dis donc. Ah, on n'en sait rien, il y a de l'herbe, des arbres... Attendez, serait-il possible qu'il s'agisse de Crotésia? Mais non, la planète est beaucoup trop lointaine. Alors nous devons nous hâter, si jamais nous n'arrivons pas à Crotésia, attends. C'est en morceau que nous risquons de la retrouver. J'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Par pitié, dites-moi pas que vous avez fini ma bouteille. Si mes calculs sont exacts, l'astéroïde se déplace tout droit vers la Terre. Quoi? Qui l'atteindra dans 2 jours. On doit absolument les prévenir. Tu penses vraiment qu'ils vont nous croire? Peu importe, on doit essayer. Je vous rappelle qu'on est classé ennemi public numéro 1 maintenant. Ah, les transmissions fonctionnent. J'appelle le QG. On va se faire dégommer la gueule. Ici le lieutenant Pimps, commandeur de l'Intrépide. Je suis profondément désolé pour nos récents actes, mais nous avions nos raisons. Quoi? Lieutenant Pimps, espèce de crapule! Monsieur, je... Putain, on capte rien avec cette machine de merde! Nous avons découvert un astéroïde géant. Nous souhaitons rétablir les intérêts de l'armée à notre encontre. C'est pourquoi nous vous prévenons qu'il se dirige vers la Terre, qu'il frappera dans 2 jours. Putain de machine! Nous avons découvert un astéroïde géant. Nous souhaitons tous les intérêts de l'armée. C'est pourquoi il se dirige vers la Terre, qu'il frappera dans 2 jours. Oh l'enfoiré, il ose nous menacer. Colonel Sblock, vérifiez ses dires, analysez la fréquence, trouvez leurs coordonnées et dites-moi s'il possède un tel astéroïde. Bien, mon général. Alors... Ghost of the Queen, Eh bien quoi? Parlez, voyons. Ils sont en effet sur un astéroïde. Il fait plus de 500 km de diamètre et il se dirige droit vers nous. Nous sommes fichus. Ah, ça a coupé. Les transmissions sont bousillées. On ne peut plus contacter la Terre. J'espère qu'ils trouveront une solution. Moi, j'ai réussi à réparer la combustion. Mais les réacteurs ne marchent pas. Et mes bouteilles sont vides. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? On répare ces réacteurs et on rentre sur Terre ou on continue notre route? J'ai fait une promesse. Nous devons continuer notre route. La Terre est pratiquement condamnée. Au moins, nous sauverons Crotésia. Ça me fait mal au cœur, mais bon, c'est pas faux non plus. Le champ d'astéroïdes devant empêchera les missiles terriens d'atteindre le géant, et même s'ils arrivaient à l'atteindre, il ne ferait que le ralentir. Tu as vu la taille du truc? Alors adieu la Terre ? J'en ai bien peur. Quand je pense que j'ai laissé un Bourgogne 1936 dans ma cave, quel gâchis ! Mais bordel, on parle de notre planète là, pas d'une foutue bouteille de merde ! Et si on formatait l'orbe d'énergie solaire afin d'en faire une bombe assez puissante pour détruire l'astéroïde ? Bah, et Crotésia ? Bah, c'est pas pour faire mon connard, mais en fin de compte, j'en ai jamais rencontré de Crotésiens, alors perso, je crois pas leur devoir quelque chose. En plus, j'ai le truc qui me sert de femme qui m'attend sur Terre. Moi, je dois encore 5 000 $ à un Crotésien qui m'avait battu au street poker. Moi, je m'en fous. Putain de dilemme de merde! Je propose qu'on tire au sort l'avenir des planètes. J'ai une pièce, pile, on sauve Crotésia, face, on sauve la Terre. Regan, je vous prendrai une bouteille ou deux pour oublier ça un jour. Hé, pas toucher à mes précieuses! Bon, alors c'est parti. La pièce, elle veut pas retomber. Elle continue de tourner. La autre chose, maintenant. La pesanteur s'est activée. La turbine à gravité doit être morte. Et on a toujours ce putain de dilemme de merde. C'est vrai. Alors on fait quoi, du coup? Que vous dit votre cœur? Oh, une merde. Sauvons la Terre, bordel. Wouhou! On retourne à la maison. Je te rappelle qu'on est recherché mort ou vif. Aïe, pas faux. Ça fait donc 3 morts pour des milliards de vies sauvées. Je pense que le calcul est vite fait. Bon, Sango, professeur, je vous passe l'orbe. Vous allez vous en occuper. Je veux qu'elle soit opérationnelle dans les 6 heures. Comptez sur moi, mon lieutenant. Par les moustaches de mon grand-père, nous sauverons la Terre. Ah, par contre, un petit détail, rien d'important. Vous êtes sûr que ça ne va pas être dangereux de travailler sur une grosse boule d'énergie atomique en apesanteur? Sait-on jamais, des fois qu'un hamster nucléaire entre en contact avec? Ah oui. Bon, Regan, suivez-moi. Nous allons réparer cette foutue turbine. Ok. Lieutenant, je suis pas certain qu'il vous soit d'une grande utilité. Si ça peut vous rassurer, c'est surtout pour l'éloigner de vous pendant que vous vous occupez de l'orbe. Et où il est, cette orbe? Ah, dans la boîte à gants, calée entre la clé mort et le C4. On vous a déjà dit que vous étiez un danger public. Je sens qu'on est un peu tendu, là. Bosser en apesanteur, c'est pas très rassurant. Ça vous dérange pas si j'allume la radio? Oui, oui, allez-y. Ouais, bon, finalement, on va faire ça. On peut toujours mettre la télé en fond sonore. Bonne idée. Ah, ça m'appelle mes révisions aux examens. Et on se retrouve après cette petite page publicitaire avec votre film du dimanche soir, Armageddon de... Bon, finalement, je crois qu'on va faire ça dans le silence. Yann, passez-moi la clé à molette qui flotte là-bas. Oui, monsieur. Wouhou ! Je flotte ! Oh, putain, mais quelle idée j'ai eue ! 3 heures que j'essaie de réparer cette merde, et je dois me taper le mec le plus abruti de toute la planète. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, je disais que... Oh, et merde, filez-moi cette clé. Tenez. Alors, si j'arrive à reviser ça correctement... Non, c'était pas ça. Alors, comme ça... Bordel de merde de machine à la con. Gravité équilibrée. Et voilà. Ouais, rien de mieux que les bonnes vieilles méthodes. Et à tous les coups, ça va avoir cassé mes bouteilles. Elles sont vides. C'est fait pour être rempli, une bouteille vide, mon commandant. Merde, Sango est vieux. Bon sang, j'espère qu'ils vont bien. Ça peut aller l'air de Dieu, d'un boula, là y'a des Zeus et tout le Bataclan, c'est toujours encore vivant. L'orbe de rester en apesanteur. Incroyable. Elle doit avoir sa propre gravité. Ça nous aura pour normalement sauver. Sango, professeur, vous allez bien? Bien sûr. Mais regardez, l'orbe flotte toute seule. On dirait un petit soleil. Est-ce qu'il est opérationnel? Un seul miracle par jour, mon lieutenant. Avec tout ce bordel, j'ai perdu mes outils. Désolé, cette turbine m'a donné du fil à recordre. Messieurs, j'ai une annonce à vous faire. Le hamster nucléaire a disparu? Avec les contrastes de gravité, nous avons quitté l'astéroïde. Ah, ça va, je m'attendais à pire. Et les réacteurs ne marchent toujours pas. Ah. Et qu'est-ce qui se passe alors? Bah, on est à la dérive. Attendez, j'ai peut-être une solution. Regan, donnez-moi la clé à molette. Tenez, mon lieutenant! Je reviens dans 30 secondes! Regan, tu peux m'expliquer ce qu'il va foutre? Sûrement un éclair de génie. Salopée de putain de machine de merde! Tu vas marcher! Et voilà le travail! Soit c'est du génie, soit c'est de la chance. On doute un peu des deux. Messieurs, comprenez-vous à vos sièges. Direction la Terre! Vers l'infini et l'au-delà!